Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, un grand jour pour nous. Je fais l'interview de Gilles Laporte. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole. Il va pouvoir se présenter, ou vous le connaissez déjà. Bonjour Dominique, mais quel exercice se présenter soi-même? Habituellement, je réponds aux questions. Alors, que dire pour me présenter? Que je suis Vosgien, oui, que je suis né à Igné, à côté d'Épinal, et que je suis toujours dans ce secteur, que je suis très enraciné dans notre pays, que j'écris depuis que je sais écrire et que je viens de sortir mon énième roman historique qui s'intitule « La fiancée anglaise aux presses de la cité ». Voilà. Est-ce que ça suffit comme présentation? Oui, bien sûr. Moi, je rajouterais que vous écrivez beaucoup sur les gens, j'allais dire simples, non, qui sont normaux, qui sont comme nous, habitants des Vosges, qui sont dignes et que vous défendez les femmes. Est-ce que c'est une bonne idée que j'ai de vous? C'est une excellente idée, oui. J'écris parce que je suis issu d'une famille d'ouvriers de filature. Je suis donc un ouvrier, je suis resté un ouvrier moi-même. Je ne fais pas du fil qui servira à faire du tissu, non, mais je tricote des mots qui permettent de faire des phrases, des pages, des livres. Donc je suis un ouvrier, ouvrier des lettres, et je reste passionné par ce monde de la base, ce monde des humbles, ce monde de ceux qui sont à l'origine de tout, mais qui sont malheureusement à l'arrivée de rien aujourd'hui. Donc je suis passionné par ce qui peut permettre de reconnaître leur juste place dans notre société. Et parmi tous ces humbles, et des humbles encore plus humbles et qui souffrent beaucoup, ce sont les femmes. Les femmes qui sont aujourd'hui encore maltraitées, qui sont traitées de façon très inégalitaire, qui sont oubliées dans notre société. On ne pense à elles que pour les mettre à contribution quand la situation l'exige. Par exemple, pendant les guerres. Mais en période de paix, on a tendance à oublier, à les cantonner dans leur rôle simplement de mère, d'épouse, de serviteur, non pas de l'État, mais de l'homme. Oui, moi je pense qu'elles ont beaucoup, beaucoup de courage et que c'est très bien de les mettre un peu en avant, hein, aussi bien dans les livres que dans la vie associative, dans l'enseignement, dans les grandes idées qu'elles ont. J'ai demandé à ma petite fille « qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Elle a surpris tout le monde. « Je voudrais être chirurgien. » Et ça, je trouve que... De laisser l'avenir ouvert devant elle, c'est quand même très important. Oui, c'est essentiel. Mais on a la chirurgien, c'est encore un boulot prestigieux. Hein. C'est un emploi prestigieux. Oui. Mais ce ne sont pas les gens qui prennent les grandes décisions pour la société. Elles sont encore rares, les femmes qui sont aux commandes de notre société, en politique, dans les grandes entreprises. Elles sont encore une insupportable minorité. Regardez le nombre de députés femmes, par exemple, le nombre de sénatrices, le nombre de hauts fonctionnaires femmes dans les ministères, le nombre de femmes PDG des grandes entreprises, y compris des entreprises nationales. On est là encore face à une situation d'inégalité flagrante. Quant à parler de l'égalité salariale, alors là, on aborde un sujet très, très difficile. Vous le savez, Dominique, j'ai publié la biographie de Julie-Victoire Daubier, la première bachelière de France, qui dénonçait au XIXe siècle, en 1860, qui dénonçait l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. À cette époque-là, en moyenne, les femmes gagnaient 25% de moins que les hommes. 25% en 1860. Le dernier rapport ministériel qui a été publié il y a 2 ans, savez-vous à combien il estime cette différence? 23%. On a gagné 2% en un siècle et demi. Donc tout ça fait que ça m'est insupportable. Et mes romans ne servent pas à dénoncer ce genre de situation, mais tentent de remettre à leur juste place dans notre société les petits, les sans-grades, comme les avait baptisés Victor Hugo, et les femmes qui font partie de ces petits et de ces sans-grades, qui pourtant sont essentiels dans notre société. Oui, parce qu'à l'école, elles étudient en même temps que les garçons l'instruction civique. Elles savent très bien Est-ce qu'on les écoute? Je ne sais pas si on les écoute. On verra bien. Moi, je sais que je fais partie d'une association. On m'a demandé si j'avais des questions. J'ai dit, ben, j'en aurais des questions si on me les posait et si je pouvais y répondre à des personnes qui sont décisives dans cet état. Mais pour le moment, je fais un petit travail bien humble, mais je le fais. Et voilà, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Oui, je le crois aussi. On est beaucoup comme ça. On va parler de votre livre, de ce livre magnifique qui parle de la recherche un petit peu de d'où on vient, qui on est, qui parle également, bon, c'est sûr, de la guerre qui entoure toute cette vie un petit peu horrible. Mais au-delà de tout ça, il y a la vie familiale et nos racines. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion ? Ben, je pense profondément que nul ne peut se situer dans le présent s'il ne connaît ses origines. Oui. Et si on ne peut pas se situer dans le présent, on est incapable d'imaginer un avenir quel qu'il soit. Donc pour moi, la chaîne du temps est essentielle. Savoir d'où je viens, y compris du plus loin possible. C'est pas pour autant que je me passionne pour la généalogie, j'ai pas le temps, c'est très très prenant, quiconque met un doigt dans la généalogie, il passe tout entier. Donc, mais lorsque j'ai besoin d'éléments généalogiques précis, je fais appel à des spécialistes. Donc jusqu'au plus loin qu'on puisse imaginer, il est important qu'on puisse identifier nos racines. Et c'est cette seule condition de connaissance de notre passé qui permet de savoir qui nous sommes et comment nous fonctionnons aujourd'hui. La connaissance des régimes anciens, je parle des régimes sociopolitiques, la connaissance des modes de fonctionnement économique du passé, y compris depuis l'Empire gallo-romain, sont seuls capables de nous permettre de comprendre ce qu'est le mode sociopolitique et le mode économique actuel. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse fonctionner autrement. Ça explique d'ailleurs la grande méfiance des responsables politiques de tous les niveaux, et quelle que soit leur origine partisane. Grande méfiance vis-à-vis de l'histoire. L'histoire aujourd'hui est quasiment sortie des programmes scolaires. Elle n'est pas juste. Enfin, moi, je me rappelle d'être à l'école et de ne pas aimer l'histoire. C'était horrible. Tandis que là, dans votre livre, il y a des choses sur la guerre, pas sur la guerre, sur la façon dont les dirigeants ont entrepris de mettre à plat une vie qui, somme toute, n'était pas... En fait, uniquement pour leurs intérêts, pour l'intérêt des pays, pour l'intérêt de ces grands hommes. Et ça m'a franchement énervé de ne pas avoir appris cela à l'école. Oui, l'histoire, je disais tout à l'heure, est évacuée par nos responsables parce qu'ils la redoutent. Et ils savent bien que la connaître permet de mieux comprendre notre monde contemporain. Et le comprendre, c'est... Les empêcher de tourner en rond. Donc ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Alors, cette histoire, je ne l'aborde pas sous forme de leçon d'histoire dans mes romans. Ah bah pas du tout, justement. Non plus dans celui-là. Mais on peut s'y pencher après. Mais je l'évoque par ses conséquences sur les petits, sur les humbles dont on parlait tout à l'heure. Je l'évoque par ce qu'elle influe sur leur ligne de vie, sur la manière qu'ils ont après de se situer dans le monde. Là, par exemple, c'est une famille tout entière qui est traversée par la guerre à son insu et qui va réagir d'une manière citoyenne, tout à fait, responsable, droite et digne, voilà, comme savent réagir les humbles, comme ne savent pas toujours réagir les puissants. Tout à fait. Il y a beaucoup de situations qui sont aujourd'hui ou ignorées, ou qui sont volontairement effacés de notre histoire. Alors c'est vrai que la relation avec l'Angleterre, depuis toujours, oui, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, a été une relation très très compliquée, très compliquée. On doit se souvenir que l'Angleterre avait fait le choix de lutter contre De Gaulle et de servir au contraire Pétain, de se servir de Pétain. On doit se souvenir aussi que l'Angleterre est à l'origine du sabordage de la flotte de Toulon. Oui, mais ça m'énerve, parce qu'on a donné que des grandes lignes quand on est à l'école. Et on a, Enfin, moi, je suis peut-être tombée sur un professeur qui a voulu édulcorer ces passages-là, j'en sais rien. Oui, bon, peut-être que ce sont les programmes, peut-être que ce sont des manques d'intérêt de certains profs, ce que je ne crois pas. Hein. C'est plutôt la conception des programmes qui est en cause. Comme on nous a obligés à oublier le massacre de la flotte française par les Anglais à Merci-le-Kébir. Mais oui. Plus de 1500 marins français tués par les Anglais. Oui, voilà. C'est... Et on était en 1940-41. Donc c'est une histoire tragique que celle-là et qui remet en cause la vieille idée selon laquelle notre pire ennemi depuis toujours est l'Allemagne et notre meilleur allié depuis toujours est l'Angleterre. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc j'essaie de remettre un peu dans l'ordre les facteurs de l'histoire et de rappeler, non pas avec une arrière-pensée de militantisme revanchard, quel qu'il soit, rien du tout, non, il n'y a rien de ça. Mais techniquement parlant, ça a été occulté. Mais qu'on ait une meilleure connaissance de notre histoire dans tout ce qu'elle a été, permet, je le répète encore une fois, permet de se mieux connaître et de mieux se situer aujourd'hui. Oui, oui. Je pense que l'aspect philosophique, peut-être, et c'est peut-être trop philosophique pour les écoliers, je sais non, pas. Mais non. Les écoliers peuvent comprendre tout ça. Non, ce sont des choix de stratégie politique, ça n'est rien d'autre. Mais tout le monde peut comprendre comment les choses se sont développées et sont arrivées à ce qu'on a connu, la tragédie de 39-45, et notamment... La défaite mémorable de 1940 connue par la France. Et oui, tout à fait. Et puis ce voyage que fait la jeune femme pour retrouver son mari dans la zone libre aussi. Oui. Hein, je trouve que c'est bien raconté pour que l'on puisse se mettre à sa place. Ben, en fait, ce qui est à la trame de ce roman, La fiancée anglaise, ce sont deux histoires d'amour. Tout à fait. Deux histoires d'amour. La première histoire d'amour, c'est celle de ce jeune Lorrain qui quitte la Lorraine en 1937, s'engage dans la marine parce qu'il a envie de découvrir le pays. Il est fils d'ouvrier de filature et il est ouvrier de filature. Il en a marre de l'usine. Il veut découvrir le monde. Donc il s'engage dans la marine en 37. La guerre le cueille alors qu'il est avec l'escadre française à Bizerte. Et de Bizerte, il va réussir à... Le périple sera long et compliqué. Il va réussir à gagner l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle et devenir l'un des premiers engagés des forces navales françaises libres. Et il va rencontrer là-bas une jeune Anglaise. Tout à fait. Qu'elle aussi est militaire. Elle fait partie des forces féminines de la Royal Air Force. Donc ils se rencontrent et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et cet amour va les tenir, va les soutenir, va les guider pendant toute cette guerre. Et va guider ensuite... Il ne faut pas dévoiler non plus la fin du livre. Hein. Va guider toute la réaction de l'environnement familial jusqu'en 2003. Et puis il y a l'autre histoire d'amour, qui est celle de cette jeune femme, qui a épousé son mari, un Français, un Lorrain aussi, en juin 1939, semaines avant la déclaration de guerre. Ils ont à peine le temps de vivre leur nuit de noces qu'il est mobilisé et qu'il doit partir à la guerre. Donc il se quitte aussitôt après le mariage et il sera fait prisonnier dans les Vosges d'ailleurs. Il sera envoyé en Allemagne, en camp, d'où il s'évadera pour gagner à pied la zone libre. Amoureuse de lui qu'elle va, elle prendre tous les risques pour franchir la ligne de démarcation et le rejoindre en zone libre. Oui, parce qu'elle aurait pu mourir plusieurs fois. Hein. Donc c'est les deux histoires d'amour qui portent ce roman et qui portent, j'allais presque dire, notre histoire nationale. Et tout à fait. Et l'histoire de la... Donc, il y a l'histoire de Berthe, l'histoire de Louise, l'histoire de cette petite jeune femme, cette petite jeune femme, je ne pense pas, puisqu'elle était dans l'armée, à Sheerness. Donc, on a un petit peu les descriptions de paysages, de ports, d'ambiance... Oui, l'ambiance du pays, la description de Châtel, la description de Sheerness en parallèle. Oui, parce que la famille Lorraine dont on parle était de Châtel-sur-Moselle. Voilà. Et l'Anglaise en question était en mission dans la Royal Air Force dans le port de Sheerness. C'est là qu'elle a connu d'ailleurs ce marin. Donc c'est une nécessité pour moi de décrire aussi les lieux dans lesquels se déroule l'action. Oui, oui, très très bien. On a envie d'être sur les bords hein, de la Moselle hein, qui coule à Châtel. Oui. Hein, sur les bords de la Moselle, on a envie de la Moselle à Châtel voilà. Et de la Tamise voilà. À Sheerness. Voilà, hein, oui. Et la Tamise, voilà. Oui, oui, ça fait rêver les descriptions de paysages. Ben, j'espère, parce que le rôle du roman, c'est aussi de transporter, de prendre par la main pour emmener ailleurs. Tout à fait. Et découvrir, élargir le champ de vision, faire reculer la ligne d'horizon. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, ça. Ah oui, c'était très, très, très agréable à lire, hein, ça, c'est certain. Bon, les atrocités de la guerre, je n'aime pas du tout parce que... C'est pas mon caractère de faire ça, mais c'est vrai que c'est décrit aussi. Très peu. Un peu, oui. Très peu, très peu. Il y a quelques passages qui sont inévitables. Comment, là encore, ce serait nier l'histoire que de ne pas évoquer le sort réservé aux femmes à la libération, par exemple. Oui. Par exemple. Oui. Comment passer à côté des conséquences des bombardements intensifs dont a été victime la ville de Châtel, par exemple, qui a été rasée voilà. par les bombardements en 40. Donc il est impossible de passer à côté, mais ce ne sont que des moments dans ce roman, que des moments qui permettent de situer l'action au cœur même évidemment. Évidemment. Rien que d'en parler, on va passer une petite pause. Hein, on va écouter Édith Piaf. Voilà. On parlait d'amour. Et voilà. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps sous tes mains, ne m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Bleu de toute l'immensité. Eh bien voilà, merci Edith Piaf. Hein. Oh oui, on peut la remercier mille et une fois. Elle nous a laissé un bon souvenir. On va parler peut-être au cœur du livre maintenant, les personnages. Les personnages. Donc il y a un jeune homme, Adolphe Lamèche, qui s'est engagé aux côtés du général de Gaulle. Il y a sa maman et il y a ses sœurs. Je pense que je vais vous laisser en parler. Oui, c'est une grande histoire de famille que ce roman. C'est l'histoire d'Adolphe Lamèche et de sa mère, de ses sœurs. Et je peux dire dès maintenant, parce que je le précise à la fin de ce roman, que Adolphe Lamèche était mon oncle. Donc c'est un personnage historique. Et tous les personnages de ce roman, sauf un, sont des personnages historiques. Ils ont réellement existé, ils ont fait partie de mon entourage, de mon environnement le plus proche possible. Ils font partie de moi-même. Cette histoire est une partie de moi-même. J'ai tiré ce roman de ce qui constitue l'essentiel de ma mémoire. Lorsque j'étais chez ma grand-mère, que j'ai rebaptisée Berthe, parce que j'ai un peu changé les prénoms, sauf Adolphe, il porte son vrai prénom. Lorsque je parle de Berthe, je parle de ma grand-mère, la mère d'Adolphe. Et lorsque j'étais chez elle, quand j'étais gamin, j'avais 6, 7, 8 ans, j'étais chez elle, j'y allais très très souvent, et que le soir je lui disais, mais ma mère, pourquoi tu fermes pas ta porte le soir? Elle me répondait, mais si mon gamin revenait cette nuit? Son gamin, c'était Adolphe, notre héros de roman. Et pourquoi est-ce qu'elle l'attendait? Parce que le navire, la combattante sur laquelle il servait, qui était un navire héroïque, c'était celui qu'avait choisi le général de Gaulle pour rentrer en France, a été coupé en deux par une mine allemande le 23 février 1945. Donc depuis le 23 février 1945 jusqu'à sa mort en 1972, ma grand-mère, Berthe dans mon roman, a attendu le retour de son fils. Et elle allait se recueillir tous les jours sur une tombe vide au cimetière de Châtel-sur-Moselle. Donc c'est une histoire que je porte au plus secret de moi-même et que j'ai voulu sortir de ce secret parce qu'il y a une énigme derrière. Cette énigme qui n'est toujours pas dénouée dans la famille, mais que j'ai voulu dénouer par le roman. Donc oui, ces personnages, je les ai voulu très très vivants parce que pour moi, ils sont très très très vivants. Ça se ressent, hein. Ça se ressent, ça ne s'invente pas. Hein. Il y a l'histoire de cette porte aussi, mais il y a aussi l'histoire des relations mère-fille que j'ai bien aimée. Oui, oui. Ma grand-mère était une femme exceptionnelle. Donc l'héroïne Berthe de ce roman est une femme exceptionnelle. Une femme qui n'a jamais baissé les bras. Et puis qui a encouragé sa fille à aller de l'avant. Elle a été complètement ratatinée, tant pis le mot est un peu vulgaire, par les bombardements de juin 40. Elle était ouvrière de filature. Toute la famille était une famille d'ouvriers de filature à Châtel-sur-Moselle. Et la cité ouvrière dans laquelle ils habitaient, a été entièrement détruite. Sinistrée, totaux, les membres de cette famille. Y compris l'usine a été détruite. L'usine Paul Perrin de Nomexi a été détruite. Donc ils sont retrouvés quasiment à poil, tous ces gens-là. Et ma grand-mère, devant cette ruine totale, n'a pas baissé les bras. Pas du tout. Ouais. Elle a relevé la tête. Donc mon héroïne relève la tête et dit « Mais on va s'en sortir, on va s'en sortir. » Et quand son gendre est lui-même fait prisonnier par les Allemands, envoyé en camp, elle dit à sa fille « Tu le retrouveras. » C'est elle qui va tenir le moral de sa fille. « Tu le retrouveras. » Et quand on apprend qu'il s'est évadé de son camp d'internement en Allemagne et qu'il a réussi à rejoindre la zone libre, elle lui dit « Mais va le rejoindre. » Elle n'a pas besoin de la supplier pour le faire. Parce que... Bien sûr que non, elle est partante elle a le petit coup de pouce. Elle a aussi... on ne va pas dévoiler tout ce livre. Hein. Mais elle lui dit « Vas-y, vas-y. » Elle lui donne tous les moyens nécessaires pour partir. Et elle part. Leur séparation est très difficile parce qu'elle se quitte. On est en 40. On est fin 40, on est à décembre 40. Et quand elle se quitte sur le quai de la gare de Nomexi, oui, elles ne savent pas ni l'une ni l'autre. Ne sait si elle reverra l'autre. Et oui, parce que ça n'avait pas l'air évident du tout. Ben non, du tout. Même jusqu'à la fin de l'histoire, en fait, hein, même à la libération, ce qui n'est pas évident non plus. Elle dit rien, elle accuse le coup sur certaines nouvelles, et puis finalement, ça s'arrange. Mais c'est un hommage au courage des femmes. Oui, je pense. C'est ce que j'ai voulu faire. Ça, je pense. Et au niveau technique, alors, ce bateau qui s'appelle La Combattante, je pense qu'il a existé. Bien sûr qu'il a existé. Voilà. Lorsque les Français, lorsque les premiers Français qui ont rejoint le général de Gaulle en Angleterre sont arrivés, ils ont été accueillis comme des chiens par les Anglais. Oui, voilà. Ils ont été envoyés en camp d'internement, où ils ont été traités de la manière la plus malsaine possible. Jusqu'à ce que Churchill finisse par accepter l'idée que de Gaulle pourrait jouer un rôle. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre a joué le jeu, toujours à reculons, toujours à contre-pied, toujours à jouer le jeu de la résistance auprès de Gaulle, tout en soutenant par ailleurs le général Giraud, qui, lui, avait des perspectives de prise de pouvoir en Afrique du Nord, soutenu par les États-Unis. Donc, il y avait cette situation des Français en Angleterre qui vivaient une période un peu compliquée et dont le ciel va s'ouvrir subitement parce que Churchill, comme je viens de le dire, décide de se rapprocher de De Gaulle. Et à ce moment-là, l'Angleterre offre à la France un bâtiment qui sortait des chantiers navals de Glasgow, tout neuf. Un bâtiment, un torpilleur absolument extraordinaire, équipé de tous les armements les plus modernes, de tous les moyens de détection, radar, sonar et compagnie les plus modernes, qui permettraient de lutter contre les vedettes rapides allemandes et les sous-marins allemands en mer du Nord et en Manche, et en Atlantique Nord. Et il décide, Churchill, d'offrir ce bâtiment à la France libre de De Gaulle. Et voilà que notre héros, Adolphe Lamèche, parce qu'il a eu un comportement déjà qui a été remarqué, L'école, j'en avais entendu parler. Il est envoyé à la fameuse école créée par De Gaulle à Londres, qui s'appelle la caserne Birakem. Oui, Birakem. Il y a une chanson, Birakem. Oui, c'est le nom d'une célèbre victoire française, une des rares victoires françaises en Afrique du Nord, en 40. Donc, il va à la caserne Birakem, et lorsqu'il sort de la caserne Birakem, où étaient formés les marins les plus aguerris, les plus préparés à toutes les techniques modernes de combat, il va être embarqué sur La Combattante, sur ce fameux navire, qui va être de toutes les missions les plus périlleuses, d'accompagnement des convois en Atlantique Nord entre les États-Unis et l'Angleterre, qui va être de tous les combats, de toutes les chasses aux sous-marins et vedettes rapides allemandes en Manche et en mer du Nord, et qui va être tellement héroïque dans ces combats, ce bâtiment, que c'est celui-là que De Gaulle va choisir pour entrer en France après le débarquement de 44 en Normandie. Et c'est avant le débarquement, pendant le débarquement, c'est ce bâtiment que les alliés États-Unis, Canada et Angleterre vont autoriser à participer au débarquement. C'est le seul navire français autorisé à participer au débarquement. Donc c'est un navire héroïque et De Gaulle le choisit pour entrer en France. Et il y a une photo dans la famille sur laquelle on voit, puisque ce marin est mon oncle, je l'ai dit et je le répète, où on voit mon oncle sur le pont de La Combattante face au général de Gaulle. C'est une photo très, très émouvante. Donc on a ça, et c'est un peu cette photo qui est à l'origine de ce roman. Parce que je me suis dit, mais enfin, il y a notre famille de tout petit des Vosges, une famille qui ne comptait pour rien parce que c'était une famille de producteurs de fils et de tissus dans les Vosges. Elle a touché à la grande histoire. Par cet homme, par ce marin, il était quartier maître canonnier, c'était un grade de base. Mais face au général de Gaulle, sur le pont de La Combattante, là, subitement, grâce à cette situation et à cet homme-là, on a touché à la grande histoire. Donc ça doit se partager. Ça ne peut pas se garder pour nous seuls. D'où ce roman. Et puis en plus de ça, La Combattante, c'est féminin. Merci de faire cette remarque. Elle est très importante. C'est un navire. Oui, mais c'est un navire prestigieux, d'un courage absolument exemplaire. La preuve, c'est celui que De Gaulle a choisi, je le rappelle. Et il porte un nom féminin. Mmh. Il incarne le féminin droit, qui ne recule jamais, et qui sait regarder les situations en face et les affronter de la manière la plus pacifique, parce que c'est l'objectif. C'était pour accompagner les aller vers navires, la paix, voilà. Mais aussi en faisant ce qu'il est nécessaire de faire pour y arriver. Voilà, bon. Voilà. Et puis encore un tout petit mot aussi, vous avez touché vous avez touché l'histoire des personnes âgées et puis qui délivrent rien qu'à la toute fin de leur vie un secret. Je voudrais aussi que vous me parliez de ces difficultés qu'à la vieillesse de finalement tout ce qu'ils avaient caché, de le ressortir. Ben, il y a une énigme, évidemment, une énigme forte dans ce roman. Il y a tout l'aspect qu'on a évoqué tout de suite de la situation des familles pendant la guerre en Lorraine et ailleurs aussi, mais surtout chez nous en Lorraine et dans les Vosges. C'est une situation qui va donner naissance à une énigme qui n'est pas encore aujourd'hui résolue. Ah bon. J'ai voulu la résoudre par le roman parce que il est résolu. Bon, donc il était insupportable qu'elle reste absolument intacte, cette énigme. Je l'ai résolue par le roman. Et je pense que ce que j'ai trouvé comme solution est très très proche de la vérité et que c'est très vraisemblable. Donc c'est une énigme qui est née des circonstances particulières. On ne va pas dévoiler l'énigme. Ah, bien sûr que non. Hein. Ni bien sûr comment elle s'achève. Mais. J'ai dit que la famille était originaire de Châtel, que Châtel a été ruiné par les bombardements allemands de juin 40. Et lorsque la guerre allait se terminer, toute fin 1944, l'État a accordé aux sinistrés totaux une indemnité qui devait leur permettre de redémarrer une fois la guerre terminée. Donc notre héroïne, Berthe, ma grand-mère, avait touché une somme importante de l'État comme tous les autres sinistrés. Jusque-là, elle vivait dans un baraquement de planches, avec toute la famille. Donc, elle avait touché cet argent et arrive en permission en janvier 1945. La seule permission qu'il a eue pendant les 4 ans de guerre, son fils Adolphe, notre marin, notre héros. Il arrive en permission et elle lui dit « Écoute, j'ai cet argent-là ici. Je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai jamais eu autant d'argent. » J'endors pas la oui, nuit. Oui, tout à fait. La guerre n'est pas finie. Les Allemands sont à nos portes. Ils sont à 30 km d'ici. Ils peuvent revenir d'un jour à l'autre. Je ne voudrais pas qu'on le perde, cet argent. Tu retournes en Angleterre, parce qu'il retourne en Angleterre pour reprendre le combat à bord de la combattante. Tu repars en Angleterre. Emporte-le. Tu me le rapporteras quand la guerre sera finie. Et oui. Il est reparti en fin janvier 1945, au terme de sa permission de 15 jours. Il est reparti avec l'argent. Et un mois après, le 23 février 1945, il disparaissait en mer du Nord. Et voilà. Et on ne dira rien de plus. À bord de la combattante coulée par une mine allemande. Qu'est devenu cet argent ? Or, là-bas, bah, il était très... Il va le dire. Il va raconter son livre. Il était très proche de cette jeune femme, elle-même militaire dans la Royal Air Force. Est-elle pour quelque chose dans la disparition de cet argent ? On n'en sait rien. Je donne ma solution. Qui est une solution que j'ai voulu conforme à l'esprit de générosité, de bienveillance, d'amour qu'incarnait ma grand-mère dans toutes les situations de sa vie. Et puis c'est vrai que ce livre, c'est un petit peu la continuité des livres que vous avez déjà écrits, que tu as déjà écrits. La générosité, ça c'est un fait. Et puis... de nouveau, les accords familiaux qui se resserrent. Voilà ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a eu toujours ces déchirements et toutes ces choses un petit peu terribles qui se passent. Et les regrets. Et puis finalement, à la fin du livre, eh bien, il y a une pensée positive pour chacun, je pense. Oui, mais là, on entre dans le dénouement déjà. Hein, ah non, Dominique. Non, pas tout à fait. Oui, les choses se remettent en place et de la manière la plus bienveillante qui soit et qui est conforme à la bienveillance naturelle de cette femme. Et puis dans tous vos livres, il y a ça. Qui est la colonne vertébrale de ce roman, Berthe. Voilà, les roses du Montfort que j'ai vraiment aimées. C'est un petit peu la même veine, le même esprit. Le même esprit. Oui. Oui, c'était esprit de bienveillance et surtout d'hommage aux femmes par lesquelles, oui, toujours. Par lesquelles tout s'arrange. Ben oui, finalement. Par lesquelles tout s'arrange. Il n'y a que les femmes. Voilà. Bon. J'aimerais bien qu'il y ait une combattante un petit peu en ce moment. Voilà. Pour arranger nos affaires de déperdition d'énergie, de couches d'ozone, d'enfouissement n'importe où. J'aimerais bien avoir une solution comme la vôtre. Il faudrait que vous vous y atteliez. Bah, y en a une, là. Il y a Greta Thunberg qui fait ses tournées mondiales et qui a à la petite jeune, la oui. petite jeune et fille. Là, c'est pas un garçon. Hein. Ah non, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme. Donc, jusqu'où ça pourra aller, j'en sais, mais c'est porté par, aller au-delà d'une femme, par le féminin. Voilà. L'esprit féminin, la bienveillance féminine, la vision. Et le aussi. Courage aussi, parce que c'est pas évident. Hein. La vision féminine. Oui. L'homme n'est pas un visionnaire, la femme est une visionnaire, enfin, selon moi. Merci pour toutes les femmes. Eh bien voilà, on va encore s'écouter une petite musique. Il y a quelque chose d'important, sûrement, que j'ai oublié. Oui, quelque chose de très important avant. Vous avez des dédicaces, des semaines de livres, vous avez... Dites-moi voir. Mon prochain rendez-vous, c'est le FIG à Saint-Dié. Oui. Le Salon du Livre du Festival International de Géographie à Saint-Dié pendant 3 jours. Alors, c'est quand ça? Alors, c'est, c'est là, cette semaine. C'est cette semaine. Oui. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Donc, on va passer cette interview plusieurs fois. Comme ça, toutes les personnes qui voudront discuter de votre livre. Et puis voir un petit peu les femmes, comment elles se débrouillent dans l'adversité. Elles seront contentes d'aller vous faire un petit bonjour. Ah oui, là, c'est donc l'immédiat, c'est cette semaine. Oui. Et puis la semaine suivante, je serai au Salon du Livre de Thaon-les-Vosges. Oui. Et puis après, je pars au Salon du Livre de Brive-la-Gaillarde. Après, vous allez manger quelque chose de bon par là-bas. Je pars aux 4 heures. À quoi pensez-vous, Dominique? Ils cuisinent très bien, les oui. gens, hein, de... Vous pensez à quoi au foie gras? Oh, c'est pas trop mon truc, moi, le foie ça gras. Ça n'est pas du tout mon truc. C'est pas trop mon truc. Hein. Par contre, il y a aussi du bon vin avec des petits plats bien préparés de canard, quand même. Du bon vin dans le secteur, bête, oui. Hein. Oui, ah oui, absolument. Il y a des confits de canard intéressants. Hein, voilà. Et puis des belles choses à voir aussi à Brive-la-Gaillarde. Hein, c'est une très, très belle région. Voilà. C'est une belle culture. Hein, c'est voilà. un beau pays. Oui. Voilà. Et c'est surtout un très beau Salon du Livre aussi. Ah. Très, très important. Voilà. C'est le plus important de France. Ah, oui. Certains disent que c'est le plus important de France. Je mettrai devant Brive, tout de même, bon, il n'y a pas de Brivois qui nous écoutent, hein. Je mettrai tout de même devant Brive, Nancy. Le livre oui, sur la place à Nancy, où j'étais il y a 15 jours. Voilà. Qui est je crois, j'en connais beaucoup des salons en France, mais je crois que c'est la plus belle manifestation littéraire de France. Ouais. Et je le dis sans chauvinisme aucun. Pas du tout. Pas du tout. Parce que l'esprit, parce que la manière d'être, parce que l'organisation, parce que les animations, tout tourne autour du livre et non pas autour d'une certaine forme de, comment dire, de parisianisme provincial. Ah. Voilà. C'est aussi un petit peu de la vérité. Hein. C'est quand vous c'est êtes en face de... Voilà, c'est authentique. C'est de l'authenticité, voilà. Ouais. Voilà. Oh ben on va écouter votre dernier choix de lecture, enfin de musique. Oui, hein, d'accord. C'est lequel? Petit bonheur que j'avais ramassé, il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier, monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Et voilà, et voilà. Le petit bonheur, Félix Leclerc. Félix Leclerc, oui, le petit bonheur. Et c'est... Le petit bonheur, c'est des fois grand. Hein, ouais. Quand on y repense plus tard, on se dit, ah, c'était bien. Par contre, il y a l'avenir. Vous venez de sortir un nouveau livre. Oui, j'ai sorti, c'est une commande d'éditeur, un éditeur lorrain qui s'appelle Serge Domini, et qui, il y a quelques temps, déjà plusieurs mois, était venu me voir en me disant « J'aimerais bien que tu m'écrives, que tu me racontes, parce que j'aime ta manière d'écrire, j'aime ta manière de raconter. J'aimerais bien que tu me confies tes visions d'enfant et d'adolescent des années 1945-68, c'est-à-dire tes 20 premières années, 20-23 premières années. » Je lui avais d'abord dit non. Non, je ne veux pas faire parce que je n'ai pas envie de plonger dans des souvenirs, de réveiller des émotions, de revivre des situations que je m'efforçais pas d'oublier, mais tout de même de laisser un peu de côté pour continuer à regarder devant et marcher droit. Il a tellement insisté que j'ai fini par dire oui. Donc j'ai écrit ce livre qui n'est pas un roman, qui est un récit qui s'intitule « Nos années bonheur », 1945-1968. Donc mon regard sur ce qu'on a appelé le début des Trente Glorieuses, la sortie de guerre des années 45-55, et puis cette résurrection du pays, cette résurrection qui va exploser dans la renonciation, le refus de cette société d'hyperconsommation qu'on nous proposait et qui a fini par gagner contre nous en 68. Ah, c'est ce que j'allais dire. Hein. Et la bataille gagner. Va être renouvelée, je suis sûre de ça. Donc voilà, ça se termine en 68, ça se termine par cette défaite des gens qui auraient voulu une société différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, tout l'avenir est devant nos enfants, je pense. Hein, oui. Mais peut-être nos petits-enfants. Encore. Oui, mais ne pas oublier que... non d'avenir que les rebelles. Ah, c'est évident, hein, si on reste sur place. On a parlé tout à l'heure de mon roman La fiancée anglaise. Ce héros, Adolphe Lamèche, était un rebelle. Il s'est élevé contre l'état de Vichy, contre Pétain. Il a voulu rejoindre un autre rebelle, un grand rebelle, qui était le général de Gaulle. Et ce sont eux qui ont gagné. C'est la rébellion qui gagne toujours. C'est pas ce qu'on appelle pudiquement le maintien de l'ordre. Non. C'est l'encouragement au désordre positif et constructif. Ah, positif et constructif. J'aimerais bien qu'on termine sur cette note, ben voilà. Parce que voilà, j'ai horreur du pessimisme ambiant. Je suis un optimiste. C'est pas possible. Un optimiste à tout craint. Voilà. Bon. Et je sais que la situation que nous vivons n'est pas simple, mais que de toute façon, des lendemains meilleurs sont déjà c'est possible. À entrepercevoir. C'est, oui, c'est possible, c'est possible. Parce que la jeunesse, elle n'a pas forcément envie de vivre cette morosité et puis cette ambiance un petit peu nauséabonde. Hein. On n'a qu'à regarder les informations sur Rouen en ce moment. Il faut que les jeunes relèvent la tête. Voilà. Mais ils ont la tête levée. Je suis tout... Oui, oui, certaines. Il n'y a pas une semaine où je ne suis pas dans des écoles, collèges, lycées, et j'ai devant moi des jeunes qui sont droits, debout, qui regardent l'avenir en face et qui n'ont pas du tout l'intention de se laisser manipuler. Mais on ne leur donne pas souvent le moyen de s'exprimer. Il nous manque la stratégie. Voilà. Oui, nos jeunes sont notre avenir et ils sont porteurs de belles sociétés. Pour les quelques. Et voilà pourquoi les livres sont utiles. Oui, voilà. Ah bah évidemment, le livre, c'est la liberté absolue. Les livres, voilà, la fiancée anglaise, voilà pour les jeunes. Oui. Eh bien, je vous remercie énormément. Je sais que votre temps est compté. Et puis, Radio Guémozo est porteur de toutes ces bonnes résolutions à venir. Voilà. Merci, cher Dominique. Voilà. Passez une bonne semaine sur Radio Guémozo.